الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication du livre de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, dans lequel il a exposé les règles essentielles de la prière, de la zakat et du jeûne. Nous en sommes toujours au chapitre sur la description de la prière, et nous allons voir aujourd'hui le passage dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a expliqué les règles des prosternations de l'oubli. Comme vous le savez, chacun d'entre nous peut être sujet à l'erreur ou à l'oubli dans sa prière. D'autant plus que le diable, qui est notre ennemi déclaré, fait de grands efforts pour nous perturber durant cette prière, en nous suggérant différentes pensées, jusqu'à parfois nous faire oublier ce que l'on fait ou ce que l'on dit, au point même d'ajouter des choses dans la prière ou d'en délaisser certains actes ou certaines paroles par oubli. De même, il se peut qu'en raison de sa distraction ou de son manque de recueillement dans sa prière, l'homme vienne à douter et à ne plus savoir où il en est. Donc dans cette situation, il sera légiféré pour nous de rattraper cela d'une certaine manière, comme on va le voir, inshallah ta'ala, et de compenser cet oubli ou cette erreur en faisant deux prosternations en fin de prière. Et ces prosternations, elles sont appelées les prosternations de l'oubli sujoud, as-sahwi. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même fut sujet à l'oubli dans certaines prières et il a mis en pratique ses prosternations dans différentes situations, comme on va le voir à travers la lecture de certains hadiths à ce sujet, incha'Allah ta'ala. Et le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut touché par cela dans certaines de ses prières fait partie du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la communauté de l'islam. Car cet oubli fut une cause pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous explique comment corriger notre prière dans ces différentes situations. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala nous a dit: wa amma sujud as-sahwi fa qala Ahmad yuhfaz fihi 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khamsatu ashiya. Quant aux prosternations de l'oubli, Ahmed, c'est-à-dire l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam cinq choses concernant ses prosternations. Sallama min ithnatayn fa sajad. Il a fait des salutations après deux unités, au lieu de quatre, et il a alors fait des prosternations de l'oubli. Wa sallama min thalath fa sajad. Il a fait les salutations après trois unités, au lieu de quatre, et il a fait les prosternations de l'oubli. « Wa fi ziyadati wa nuqsan » Également, il est rapporté de lui un ajout dans la prière et une diminution. « Wa qama min ithnatayn falam yatashahhad » Et il s'est levé également après avoir fait deux unités sans faire le premier tashahhud. « Qala al-Khattabi rahimahullah ta'ala al-mu'tamadu alayhi 'inda ahli al-'ilmi hadhihi al-ahadith al-khamsah » Al-Khattabi rahimahullah ta'ala a dit: ce qui est pris en considération et la référence concernant ce sujet auprès des gens de science, ce sont ces cinq hadiths. Ya'ni, hadithai ibn Mas'udin wa Abi Sa'id wa Abi Huraira wa ibn Buhayna radiyallahu ta'ala anhum. C'est-à-dire les deux hadiths rapportés par Abdullah ibn Mas'ud, celui rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, celui rapporté par Abu Huraira, et celui rapporté par Abdullah ibn Buhayna, radiyallahu anhum. Ces cinq hadiths sont donc ceux auxquels on se réfère concernant les prosternations de l'oubli. Et ils ont été mentionnés par Al-Khattabi rahimahullah ta'ala dans son livre Ma'alim as-Sunan. Le premier hadith est celui de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prié le dhuhr en cinq unités, Il a donc ajouté une unité à la prière. On lui dit alors, a-t-on ajouté à la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors pourquoi il disait cela. Ils lui dirent, tu as prié 5 unités. Il a alors fait les 2 prosternations de l'oubli après avoir fait les salutations finales. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et prenez bien en note ces différents hadiths, afin de connaître comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait dans ces différentes situations. Et veillez à prendre des notes sur l'ensemble de ce cours, afin que l'on évite les différentes répétitions, incha'Allah ta'ala. Car ce sont des questions qui sont très simples en réalité, il suffit juste de bien se concentrer et de bien saisir les différentes nuances entre les situations. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un ajout. Et pour l'ajout, lorsqu'il y a un ajout dans la prière, on fera les prosternations de l'oubli après les salutations finales. Le deuxième hadith est rapporté également par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. D'après Ibrahim, d'après Al-Qama, rahimahum Allah ta'ala, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté ou a diminué, c'est-à-dire dans sa prière. Et le doute provient du rapporteur prénommé Ibrahim, rahimahullah. Une fois qu'il a fait les salutations finales, on lui dit, ô messager d'Allah, s'est-il passé quelque chose durant la prière? Il demanda alors, qu'en est-il? Ils lui dirent, tu as prié de cette manière. Alors, il a plié ses genoux, s'est orienté vers la Qibla, et il a fait 2 prosternations pour l'oubli, puis il a fait les salutations finales. Ensuite, il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'il s'était passé quelque chose dans la prière, je vous en aurais informé. Mais je suis un homme comme vous, et j'oublie comme vous oubliez. Alors, lorsque j'oublie, rappelez-moi. Ça, c'est très important. Ceux qui prient derrière l'imam doivent l'avertir lorsqu'ils se trompent. Et comment l'avertit-on? On a vu que les hommes feront le tasbih. Ils diront « Subhanallah ». Et les femmes taperont des mains afin d'avertir l'imam de son erreur. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam « Et lorsque l'un d'entre vous a un doute dans sa prière, qu'il recherche ce qui est juste et qu'il se base sur cela. » C'est-à-dire que si tu doutes, tu essayes de savoir si quelque chose te fait pencher vers une des 2 situations sur lesquelles tu doutes. Si tu arrives à pencher pour une des 2 situations, alors tu te bases sur cela. Et tu complètes ta prière ainsi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, puis il fait les salutations finales, et ensuite, il fait les 2 prosternations de l'oubli. Et ce hadith est également rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc le sens de ce hadith est que si tu as un doute dans ta prière, tu ne sais pas si tu es à la 2e ou à la 3e unité, mais tu réfléchis et cherches à trouver un élément qui te permettra de déterminer si tu es à la 2e ou à la 3e. Si tu penches vers le fait que tu es à la 3e unité, alors tu te bases sur cela et tu considères cette unité comme la 3e. Puis tu complètes ta prière en te basant sur cela et tu feras dans cette situation les prosternations de l'oubli après les salutations finales. Donc ça, c'est la première situation du doute. C'est quand tu réussis à trancher entre les 2 choses entre lesquelles tu as douté. Et on va voir une autre situation de doute, incha'Allah ta'ala. Le 3e hadith est le hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous a un doute dans sa prière et qu'il ne sait pas combien il a prié, en est-il à la 3e ou à la 4e unité, alors qu'il rejette le doute et qu'il se base sur ce dont il a la certitude, puis qu'il fasse 2 prosternations avant les salutations finales. » Qu'est-ce que cela veut dire ici? Il se base sur ce dont il a la certitude. Tu es dans ta prière, tu ne sais pas si tu en es à la 2e ou à la 3e unité. Et rien ne te fait pencher pour une de ces 2 choses sur lesquelles tu doutes. Donc comment vas-tu agir? Tu te bases sur la certitude. Et la certitude, c'est quoi? La certitude, c'est que tu as au moins fait 2 unités. Donc, tu considères que tu es à la 2e unité. Et dans cette situation, lorsque tu n'as pas penché pour un avis, tu feras les prosternations de l'oubli avant les salutations finales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, s'il a prié 5 unités, alors ces 2 prosternations rendront sa prière comme une prière paire. Et s'il a prié une prière complète en 4 unités, ces 2 prosternations seront un avilissement pour le diable. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Donc, lorsque tu as un doute et que tu ne sais pas du tout à quelle unité tu en es, tu te bases sur la certitude. Et dans cette situation, les prosternations de l'oubli auront lieu avant les salutations finales. Le 4e hadith est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, le diable vient à lui pour le rendre confus jusqu'à ce qu'il ne sache plus combien il a prié. Alors, lorsque l'un d'entre vous ressent cela, qu'il se prosterne en faisant 2 prosternations alors qu'il est assis. » Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc, ce hadith, il nous démontre la même chose que le hadith précédent. En cas de doute, et que tu ne sais pas du tout, tu te bases sur la certitude, tu ne tiens pas compte de ces pensées, et à la fin de ta prière, tu feras 2 prosternations de l'oubli avant les salutations finales. Et Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte un autre hadith concernant les prosternations de l'oubli. Et il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dirigé la prière de l'Asr, et il a fait les salutations finales après avoir fait 2 unités. La prière de l'Asr, elle est composée de 4 unités. Mais il a fait les salutations finales après 2 unités. Alors un homme surnommé Dhul Yadayn s'est levé et a dit « La prière a-t-elle été réduite, ô messager d'Allah, ou bien as-tu oublié ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit alors « Rien de cela ne s'est passé. » C'est-à-dire ni la prière n'a été réduite, ni j'ai oublié. Alors il lui dit « Il s'est certes produit une de ces 2 choses au messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna alors vers les gens, c'est-à-dire vers les autres compagnons qui étaient présents, et il leur dit « Dhul Yadayn a-t-il dit vrai ?» Et ils lui répondirent « Oui, au messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors complété ce qui restait de la prière, c'est-à-dire les 2 unités manquantes, puis il a fait 2 prosternations de l'oubli après les salutations finales. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les prosternations de l'oubli après les salutations finales. Pourquoi? Certains pourraient penser qu'il a diminué de sa prière. En effet, il a fait les salutations finales après 2 unités seulement. Donc il a diminué sa prière. Mais en réalité, une fois qu'il l'a complété, qu'il a fait les unités manquantes, sa prière n'est plus diminuée. Mais qu'est-ce qui s'est produit dans celle-ci? Il s'est produit un ajout, car il a fait des salutations au milieu de la prière, et ceci relève de l'ajout dans la prière. C'est pour cela qu'il a fait des prosternations de l'oubli après les salutations finales, car en cas d'ajout, on fera les prosternations de l'oubli après les salutations. Le 5e hadith est le hadith de Abdullah ibn Buhayna, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dirigé la prière de Dhuhr et qu'après avoir fait les 2 premières unités, il ne s'est pas assis et s'est levé directement pour la 3e unité. Et les gens se sont levés avec lui. Une fois la prière terminée, les gens attendaient qu'il fasse les salutations. Mais il prononça le takbir alors qu'il était assis et il fit 2 prosternations avant les salutations, puis il fit les salutations finales. Et ce hadith est aussi rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc ici, ce qui s'est produit dans la prière, c'est une diminution. Il a oublié le premier tashahhud. Donc la prière a été diminuée. Et on a vu dans le cours précédent que le premier tachahoud, et le fait de s'asseoir pour celui-ci, fait partie des obligations de la prière. Et l'obligation, lorsqu'on l'oublie, elle est compensée par les deux prosternations en fin de prière. Et dans cette situation, les prosternations ont lieu avant les salutations finales. Ceci sont donc les cinq hadiths mentionnés par Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, auxquels on se réfère concernant les prosternations de l'oubli. Et il y a un autre hadith auquel a fait référence l'auteur rahimahullah ta'ala dans la parole de l'imam Ahmad rahimahullah, qui est le hadith de Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a un jour dirigé la prière de l'Asr et il a fait les salutations finales après trois unités. Et ici, il y a un élément très intéressant dans ce hadith, et c'est pour cela que j'ai tenu à le mentionner. Il nous dit, puis il est rentré chez lui, il est rentré dans sa demeure. Alors un homme s'est levé vers lui et lui a dit, ô messager d'Allah. Et il lui a dit ce qui venait de se produire, qu'il avait fait les salutations finales après trois unités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors sorti en colère jusqu'à arriver vers les gens et leur a dit, a-t-il dit vrai? Ils lui répondirent que oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit alors l'unité manquante, puis il fit les salutations finales et il accomplit deux prosternations de l'oubli et il fit à nouveau les salutations. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété sa prière en faisant l'unité manquante. Et comme il y a eu un ajout dans cette prière, qui est l'ajout de salutations avant la fin de la prière, il a fait les deux prosternations de l'oubli après les salutations finales. Et l'élément intéressant qu'il y a dans ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui. Et on aura besoin de ce point lors d'une question suivante abordée par l'auteur, rahimahullah ta'ala. Il a donc dit, « Wa sujoud as-sahwi yushra'u li ziyadati wa naqsi wa shakkin fi fardin wa nafl. » Et les prosternations de l'oubli sont légiférées en cas d'ajout, en cas de diminution et en cas de doute, que ce soit dans la prière obligatoire ou dans la prière surérogatoire. Ensuite, il dit, illa an yakthura fayasiru kawaswas fayatrahu wa kadha fil wudu wal ghusli wa izalati an-najasa. Il dit concernant le doute rahimahullah, sauf si celui-ci est abondant, qu'il arrive fréquemment. Il devient alors comme un waswas, comme les suggestions du diable. Il le rejette alors, c'est-à-dire il n'en tient plus compte. Et il agit de la même manière dans ses ablutions, dans le roussel et dans la purification de l'impureté. Ça, c'est très important à souligner, mes frères et sœurs. Car ici, on a mentionné deux situations de doute. Mais ce doute, il peut toucher chacun d'entre nous de temps en temps. Mais s'il survient à chacune de tes prières, ou quotidiennement, alors ceci relève du waswas. Et tu ne dois plus le prendre en considération. Tu le rejettes. Tu fais comme si ces pensées n'étaient pas présentes. Et les règles que l'on a mentionnées précédemment concernant le doute concernent celui à qui cela arrive occasionnellement. Mais celui chez qui cela est récurrent, alors ce dernier n'en tient pas compte. Et ceci est valable concernant sa prière, mais aussi concernant ses ablutions, concernant le roussel, le grand lavage, et concernant la purification de l'impureté sur ses vêtements ou sur le sol sur lequel il prie, ainsi de suite. Ou lorsqu'il se lave après avoir fait ses besoins. Nombre de personnes souffrent de waswas à ce sujet, au point de se torturer en passant de longs moments à se purifier après leurs besoins et à se purifier lors des ablutions, en raison de doutes qui les poussent à recommencer cela à plusieurs reprises. Wallahu al-musta'an. Et ces doutes, ils sont à rejeter. Tu ne dois pas les prendre en considération, que ce soit dans tes ablutions, dans ton roussel, dans ta purification après les besoins ou dans ta prière. Retenez bien cela, barakallahu fikoum, et ne vous laissez pas prendre dans les filets du diable qui veut par cela vous rendre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala difficile. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que les raisons légitimant les prosternations de l'oubli sont au nombre de trois. L'ajout, la diminution ou le doute. En cas d'ajout, tu feras les prosternations de l'oubli après les salutations finales. En cas de diminution, tu feras les prosternations de l'oubli avant les salutations finales. Et en cas de doute, on va distinguer entre les deux cas de figure. Soit tu penches vers une des deux situations et te bases sur ce que tu penses être le plus proche de la réalité. Dans cette situation, tu feras les prosternations de l'oubli après les salutations finales. Soit tu ne sais pas et rien ne te fait pencher vers une des deux situations. Tu te bases alors sur la certitude qui est le minimum et tu feras les prosternations de l'oubli avant les salutations finales. Et ceci est aussi bien valable dans les prières obligatoires que dans les prières surérogatoires. Et comme on a dit, si les doutes deviennent nombreux, alors ils ne sont plus pris en considération. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَمَتَزَادَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَسُجُودًا أَوْ قُعُودًا عَمْدًا بَطُلَتْ. Si la personne ajoute un geste, une position, faisant partie des gestes et des positions de la prière, comme une station debout, une inclination, une prosternation ou une assise. Si la personne fait cela volontairement, il se dit « je vais faire une deuxième inclination », alors sa prière est annulée, car il n'est pas permis de faire un tel ajout volontairement dans ta prière. Ensuite il dit « وَسَهْوَنْ يَسْجُدُ لَهُ » Et s'il fait cela par oubli, par distraction, alors il fera les prosternations de l'oubli. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. Et ce d'après la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui a dit « Si l'homme ajoute dans sa prière ou en diminue de celle-ci, qu'il fasse alors deux prosternations. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahullah. Ensuite il dit ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. Et dès qu'il se rappelle, il revient à l'ordre de sa prière sans faire le takbir. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu as ajouté un geste dans ta prière, une position. Par exemple, si tu es debout, en train de réciter le Coran, puis tu dis Allahu Akbar et tu te trompes, tu te prosternes au lieu de t'incliner. Alors que tu commences à dire Subhana Rabbi al-A'la, tu te rends compte que tu n'as pas fait l'inclination. Qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves immédiatement et te mets en inclination, sans prononcer le takbir, car le takbir du changement de position a déjà été prononcé. Tu te mets donc dans la position où tu devrais être, et ce afin de faire ta prière dans l'ordre. De la même manière, si tu as oublié l'assise entre les deux prosternations et la deuxième prosternation et que tu t'es directement relevé, tu es en train de te relever et tu te rends compte que tu as oublié la prosternation et l'assise. Tu t'assois immédiatement. Tu reviens à la position que tu as manquée, et ce afin de pouvoir faire ta prière dans l'ordre. Et après cela, une fois que tu auras complété ta prière, tu feras les prosternations de l'oubli après les salutations finales en raison de cet ajout, car c'est un ajout qui a eu lieu dans ta prière. Ensuite il dit وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً قَطَعَ مَتَ ذَكَرْ وَبَنَى عَلَى فِعْلِهِ قَبْلَهَا. Et s'il ajoute une unité, il l'interrompt dès qu'il se souvient et il reprend là où il en était avant elle. وَلَا يَتَشَهَدْ إِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَدَ ثُمَّ سَجَدْ وَسَلَّمْ. Et il ne refera pas le tashahud s'il l'avait déjà fait, puis il se prosternera et fera les salutations. Une personne est à la quatrième unité de sa prière. Elle s'assoit, fait le tashahud, puis après le tashahud, elle se lève pour faire une cinquième unité, en pensant être à la deuxième par exemple. Dans cette situation, dès que tu t'en rappelles, dès que tu te rends compte que tu es en train d'ajouter une unité, alors tu te rassois immédiatement et tu reprends là où tu en étais. Si tu avais déjà fait le tashahud, alors tu n'auras pas besoin de le refaire. Tu t'assois et tu prononces les salutations finales. Et après cela, tu fais les deux prosternations de l'oubli et salues à nouveau, car tu as fait un ajout dans ta prière. Si tu n'avais pas fait le tashahud, tu es à la quatrième unité, à la dernière prosternation de la prière, et tu te relèves pour ajouter une cinquième unité, pensant que tu étais à la troisième. Tu commences à réciter ou même tu t'inclines, et d'un coup, tu te rends compte que tu es en train d'ajouter une unité. Qu'est-ce qui t'incombe? Tu reprends ta prière là où tu devrais en être, c'est-à-dire que tu t'assois immédiatement, tu fais le tashahhud, et ce qui suit parmi les paroles légiférées, tu prononces les salutations finales, salam, tu feras ensuite les deux prosternations de l'oubli en raison de cet ajout dans ta prière, et tu referas à nouveau les salutations finales. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَلَا يَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ مَزْبُوقَ وَلَا يَدْخُلُ مَعَهُ مَنْ عَلِمَ أَنَّهَا زَائِدَةِ » Et le retardataire ne prendra pas en compte l'unité ajoutée, et il n'entrera pas avec l'imam s'il sait que cette unité est ajoutée. On a vu ici le cas de la personne qui se lève pour ajouter une unité. Tu es en retard à la prière. Tu arrives à la mosquée, tu vois qu'ils ont commencé, et tu as besoin de faire les ablutions. Tu vas donc faire les ablutions, et pendant ce temps, l'imam termine la première unité de prière. Tu entres en prière avec eux, puis, sachant que tu as manqué une unité, tu vois que l'imam fait quand même 4 unités. Supposons que c'est la prière de Dhuhr. Mais tu sais pertinemment que tu as manqué une unité. Donc tu comprendras que l'imam a ajouté une unité à sa prière, par oubli ou par erreur. Qu'est-ce que tu devras faire? Tu as fait 4 unités, mais toi tu es rentré dans la deuxième unité de prière. La réponse est que l'unité qui a été ajoutée n'est pas valide, tu ne la prends pas en compte. C'est-à-dire que tu devras quand même rattraper l'unité que tu as manquée. Et de la même manière, si tu es persuadé que cette unité est une unité ajoutée. Comme on a dit, tu es entré en retard, tu as vu que l'imam commençait, et tu as entendu la prière pendant que tu faisais les ablutions. Une fois arrivé à la quatrième unité, d'après ce que tu as entendu des takbirs de l'imam, tu entres à la mosquée, puis tu te rends compte qu'il se lève pour une cinquième unité. Dans ce cas-là, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit, tu n'entres pas en prière avec lui, car cette unité, elle n'est pas valide. Donc, tu n'as pas à t'insérer dans celle-ci. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, « وَإِنْ كَانَ إِمَامًا وَمُنْفَرِدًا فَنَبَّهَهُ إِثْنَانَ لَزِمَهُ الرُّجُوعَ وَلَا يَرْجِعْ إِنْ نَبَّهَهُ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَتَيَقَّنْ صَوَابَهُ لِأَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَوْلِ ذِي الْيَدَيْنِ » Si celui qui prie est imam, ou qu'il prie seul, et que deux personnes l'avertissent qu'il s'est trompé, il est alors obligatoire pour lui de revenir à leurs paroles. L'imam est en train de prier, et il se lève pour une cinquième unité par exemple. Mais lui est persuadé que c'est la quatrième. Et il y a deux personnes ou plus qui disent « Subhanallah ». Dans ce cas-là, il s'assoit, et il prend en considération leurs paroles. Et de la même manière si tu pries seul, car même celui qui prie seul, on peut l'avertir s'il se trompe. Si tu es dans une pièce et que quelqu'un prie dans cette pièce, et tu te rends compte qu'il se trompe dans sa prière, tu peux l'avertir et lui parler. Tu peux lui dire « Tu as ajouté dans ta prière ». Et s'il y a plusieurs personnes peuvent lui dire, afin qu'il se corrige. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « S'ils sont deux ou plus, il est obligatoire de revenir à leurs paroles. Mais s'il n'y en a qu'un, tu es en train de prier, tu es imam, et il y a une seule personne qui dit « Subhanallah ». Et toi, tu n'as pas de doute dans ta prière, tu es persuadé que tu es à la quatrième unité. Alors, étant donné qu'il n'y en a qu'un, tu ne prendras pas en considération son avertissement. Sauf si tu doutes de ta prière. Si déjà toi, tu étais dans le doute, tu t'es relevé sans vraiment être sûr, et tu l'entends dire « Subhanallah ». Alors dans ce cas-là, tu reviens à sa parole. Mais si toi, tu es persuadé de ce que tu fais, tu ne prends pas en considération son avertissement. Pourquoi ? Car, comme vous l'avez entendu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dhul Yadayn l'a averti de son erreur, il n'a pas pris en considération sa parole, mais il a demandé aux autres compagnons, radiyallahu anhum, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était persuadé de ne pas avoir diminué sa prière. Donc dans cette situation, l'avertissement d'une seule personne n'est pas suffisant. Mais s'ils sont plusieurs, alors il est obligatoire pour toi de revenir à leurs paroles. Ensuite il dit « وَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةِ عَمَلٌ يَسِيرٌ كَفَتْحِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابِ لِعَائِشَةَ وَحَمْلِهِ أُمَامَةَ وَوَضْعِهَا » Et un geste léger n'annule pas la prière, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a ouvert la porte à Aïcha radiallahu anha alors qu'il priait, et lorsqu'il portait sa petite fille Umama et la posait durant la prière. Et on a vu ce hadith dans un cours précédent. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala ici, il évoque cette question dans ce chapitre, car on est en train de parler d'ajout dans la prière. Mais lorsqu'on parle d'ajout, on parle d'ajout de gestes qui à la base font partie de la prière, comme l'ajout d'une station debout, l'ajout d'une inclination, l'ajout d'une prosternation, l'ajout d'une assise. C'est cela qui est visé par l'ajout. Mais ces gestes qui peuvent être ajoutés à la prière mais qui ne font pas partie de la prière, comme quelqu'un qui est en train de prier et qui entend frapper à la porte, et il attend son épouse, il attend son frère, ses parents. Il fait un ou deux pas jusqu'à cette porte qui est en direction de la Qibla. Il ouvre la porte, il ouvre le verrou par exemple. Puis il recule ou il se remet sur la droite et continue sa prière. Il a ajouté des gestes à sa prière, mais ceux-ci n'ont aucune incidence sur la validité de sa prière. Et de la même manière, celui ou celle qui portera un enfant durant sa prière. Et comme on a vu, on porte cet enfant et on le pose au sol ou autre support lorsqu'on s'incline. Puis en se relevant de la prosternation, on peut le reporter et ainsi de suite à chaque unité. Ces gestes-là, ils n'ont aucune incidence sur la validité de la prière. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, va nous parler de l'ajout de certaines paroles dans une position où elles ne sont pas légiférées. Et il dit « وَإِنْ أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي الصَّلَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَالْقِرَاءَةِ فِي الْقُعُودِ وَالتَّشَهُدِ فِي الْقِيَامِ لَمْ تُبْطَلْ بِهِ وَيَنْبَغِي السُّجُودُ لِلسَّهْوِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. Et si une personne prononce une parole qui est à la base légiférée dans la prière, mais il la prononce à une position où elle n'est pas légiférée, comme la récitation du Coran durant l'assise. Il est assis entre les deux prosternations et il se trompe, il récite la Fatiha, car il est distrait. Ou alors, il se lève pour sa deuxième ou troisième unité, et alors qu'il est debout, au lieu de réciter le Coran, il prononce le tashahud, par erreur. Puis ensuite, il s'en rend compte et se corrige. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, ceci n'invalide pas sa prière. Sa prière est valide, inshallah, tant qu'il ne fait pas cela volontairement. Car s'il le fait volontairement, qu'il récite volontairement le tashahud en station debout, ou qu'il récite volontairement la fatiha, alors qu'il est entre les deux prosternations, sa prière sera invalide. Mais celui qui le fait par erreur, par oubli, cela n'a aucune incidence sur la validité de sa prière. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Et il lui convient de se prosterner en raison de cet oubli, d'après la généralité de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous oublie, c'est-à-dire qu'il a un oubli dans sa prière, qu'il fasse deux prosternations. » Et dans cette situation, la prosternation aura lieu après les salutations finales, car c'est un ajout qui a eu lieu dans cette prière. Et cette prosternation, pour l'oubli, elle n'est pas obligatoire. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « il convient », car elle est seulement recommandée. Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit que celui qui se trompe de la sorte dans sa prière, ceci n'a aucune incidence sur sa prière est valide, il n'y a pas de gêne. Et s'il fait les prosternations de l'oubli après sa prière, cela est meilleur, mais cela ne lui incombe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation de faire les prosternations dans cette situation. Et de la même manière, celui qui se trompe lors du tasbih, celui qui, en inclination, va dire « Subhana Rabbi al-A'la » au lieu de dire « Subhana Rabbi al-Azim » ou l'inverse en prosternation. Puis il se corrige immédiatement. Ceci n'a aucune incidence sur la validité de sa prière et il ne lui est pas demandé de faire les prosternations de l'oubli. Reste un point à mentionner concernant cette question, qui est la question de la lecture du Coran dans une autre position que la position debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il est interdit de réciter le Coran lors de l'inclination et lors de la prosternation. Mais si une personne souhaite invoquer Allah par certaines invocations qui sont venues dans le Coran, est-ce que ceci a une incidence sur la validité de la prière et est-ce que cela est permis durant la prosternation ou avant les salutations finales? La réponse est que cela n'a aucune incidence sur la validité de la prière et cela est permis, il n'y a pas de gêne. Car ici, tu vas mentionner ces paroles non pas à titre de récitation du Coran, mais à titre d'invocation. Comme en disant « Rabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adab an-nar ». Il n'y a pas de gêne à dire cela durant tes prosternations ou après le dernier tashahhud et avant les salutations finales. À titre d'invocation et de demande que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْدًا بَطُلَتْ » S'il prononce les salutations finales avant d'avoir terminé sa prière volontairement, s'il fait cela volontairement, sa prière est alors invalide. Quelqu'un en est à la deuxième unité de la prière de Dhuhr et volontairement il fait les salutations finales. Sa prière est invalide. Il doit recommencer sa prière dès le début. وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَمَّهَا وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ تَكَلَّمَ يَسِيرًا لِمَصْلَحَتِهَا. Mais si cela a lieu par oubli, il a fait les salutations finales en pensant avoir terminé la prière, et qu'il s'en rappelle rapidement, alors il complétera sa prière, même si entre-temps il est sorti de la mosquée ou qu'il a un peu parlé dans l'intérêt de sa prière. On a vu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui après avoir fait les salutations finales après 3 unités au lieu de 4. Il est donc rentré chez lui, puis ensuite, Dhul-Yadayn est venu lui parler. Puis il a parlé aux compagnons, radiyallahu anhum. Il y a donc eu un temps entre le moment où il a complété sa prière et le moment où il l'avait interrompue. Et il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa in takallama sahwan, o nama fa takallam » وسبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. Et si une personne parle par erreur durant sa prière, il est en train de prier et quelqu'un entre et dit Assalamu alaykum. Par erreur, il répond et dit Wa alaykum assalam. Puis il se rend compte immédiatement de son erreur. Il continue de prier. Ceci est une erreur et cela n'a pas d'incidence sur la validité de sa prière. Il entend quelqu'un poser une question, il répond par erreur. Ceci n'a pas d'incidence sur la validité de sa prière. Il continue de prier. C'est seulement la parole volontaire qui invalidera la prière. Mais ici, étant donné que c'est une erreur, ceci n'a aucune incidence, incha'Allah ta'ala. Également, s'il est en train de réciter le Coran durant sa prière et qu'il fait un lapsus et par erreur, il ajoute un mot qui ne fait pas partie du Coran, ceci également n'a aucune incidence sur la validité de sa prière. Ensuite, il dit وَإِنْ قَهْقَهَا بَطُلَتْ إِجْمَاعًا لَا إِنْ تَبَسَّمْ. Et s'il rit, c'est-à-dire d'un rire produisant un son, alors sa prière est invalide à l'unanimité. Il n'y a pas de divergence à ce sujet, car le rire s'oppose au recueillement demandé dans la prière. Donc si une personne entend ou voit une chose le faisant rire, alors qu'il est en train de prier, puis qu'il rit, de sorte à produire un son, sa prière est invalide. Et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit, mais pas s'il sourit. C'est-à-dire que, si aucun son ne sort de sa bouche, mais qu'il fait simplement un sourire, sa prière n'est pas invalidée. Mais ce sourire est détestable. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous mentionner le cas de l'oubli d'un pilier de la prière. Et il dit, وَإِنْ نَسِيَ رُكْنًا غَيْرَ التَّحْرِيمَ. Et s'il oublie un pilier, à l'exception du takbir de sacralisation. Donc la règle qu'il va nous mentionner ici concernant l'oubli d'un pilier ne concerne pas l'oubli du takbir de sacralisation. Pourquoi ? Quel est le jugement de la prière de celui qui a oublié le takbir de sacralisation ? Il s'apprête à faire la prière et il commence directement à réciter la Fatiha. Il oublie de dire Allahu Akbar. Celui-ci n'est pas entré en prière. Il n'a pas commencé sa prière. Ce qu'il fait est vain. Donc c'est pour cela qu'il nous dit celui qui oublie un pilier en dehors du takbir de sacralisation. Car celui qui a oublié le takbir de sacralisation, il doit impérativement le faire pour commencer sa prière. Donc il dit celui qui a oublié un pilier en dehors du takbir de sacralisation. فَذَكَرَهُ فِي قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا بَطُلَتْ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا وَصَارَتِ الْأُخْرَى عِوَضًا عَنْهَا. وَلَا يُعِيدُ الْإِسْتِفْتَاحِ قَالَهُ أَحْمَدُ. Donc, s'il oublie un pilier de sa prière et ne s'en rappelle qu'alors qu'il a commencé la récitation de l'unité suivante. Dans cette situation, l'unité précédente est annulée et celle qu'il est en train de faire la remplace et il ne recommence pas l'invocation de l'ouverture comme l'a dit Ahmed, rahimahullahu ta'ala. C'est-à-dire que si une personne commence sa prière, elle est à la première unité. Dans cette unité, elle oublie la deuxième prosternation. Elle fait une prosternation, se lève et commence à réciter. On a vu que lorsqu'on oublie un pilier, on doit y revenir. Lorsque celui-ci est dans la même unité. Mais si tu as oublié un pilier et tu es passé à l'autre unité et tu as commencé à réciter. Tu es en train de réciter la Fatiha et tu te rends compte que tu as oublié la prosternation dans l'unité précédente. Dans ce cas-là, l'unité précédente est annulée. Et celle que tu es en train de faire la remplace. Si c'était la première unité que tu faisais, elle est annulée. Et celle que tu es en train de faire devient la première unité de ta prière. Et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit, mais tu ne referas pas l'invocation d'ouverture. On a vu que l'invocation d'ouverture est recommandée lors du commencement de la prière. Mais si tu as commencé à réciter, donc c'est trop tard, tu as manqué ce moment. Toute la première unité est annulée et tu es excusé pour le délaissement de cette invocation car tu es déjà en train de réciter. Et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَإِنْ ذَكَرَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَ عَادَ فَأَتَ بِهِ وَبِمَ بَعْدَهُ » Mais s'il s'en souvient avant de commencer à réciter, alors il revient à ce pilier, l'accomplit et accomplit ce qui est après lui. Il se rend compte qu'il s'est relevé après la première prosternation. Il se lève. Une fois debout, il se rappelle, mais il n'a pas commencé à réciter. Dans ce cas-là, il se rassoit immédiatement, car il a manqué l'assise entre les deux prosternations. Il s'assoit, il dit « Rabbi ighfirli », ensuite il se prosterne, puis il se lève et il continue sa prière. Et dans les deux situations, il fera les prosternations de l'oubli après les salutations finales en raison de l'ajout qui s'est produit dans sa prière. Ensuite, il nous dit « Rahimahullah » وإن نسي التشهد الأول ونهض لازمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما لحديث المغيرة رواه أبو داود ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو S'il oublie le premier tashahhud, qu'il se lève, il lui sera obligé de se rasseoir et de faire le tashahhud tant qu'il n'est pas complètement debout. C'est-à-dire que si tu t'en rends compte alors que tu es en train de te lever, tu n'as pas encore atteint la station debout. Il est obligatoire pour toi de te rasseoir pour le premier tashahhud. Puis tu le fais et tu complètes ta prière. Mais si tu ne t'en rends compte qu'une fois que tu es complètement debout, alors tu ne te rassois pas et tu continues ta prière, et tu compenseras ce manque, cette diminution par les prosternations de l'oubli, avant les salutations finales, comme on l'a vu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est derrière l'imam, il le suit. Tu pries derrière un imam qui oublie le premier tashahhud, il se lève. Pendant qu'il se lève, tu dis subhanallah, et d'autres personnes disent subhanallah. Mais lui, il a atteint la station debout, donc il continue de prier. Il ne va pas se rasseoir. Dans ce cas-là, tu le suis, tu te lèves aussi. Et tu seras excusé pour cette diminution, car tu feras avec l'imam les prosternations de l'oubli. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَنَا عَلَى الْيَقِينِ » Et celui qui a un doute concernant le nombre d'unités, il se basera sur la certitude. Comme on l'a vu, celui qui a un doute et n'a pas de penchant pour une des deux choses sur lesquelles il doute. Il se basera sur la certitude et la certitude est le nombre inférieur. Tu ne sais pas si tu es à la deuxième ou la troisième unité, la certitude est que tu en es au moins à la deuxième. Tu ne sais pas si tu en es à la troisième ou à la quatrième unité. La certitude est que tu en es au moins à la troisième. Et dans cette situation, tu feras les prosternations de l'oubli avant les salutations finales. Ensuite, il dit, concernant celui qui prie derrière l'imam, « وَيَأْخُذُ مَأْمُمْ عِنْدَ شَكِّهِ بِفِعْلِ إِمَامِهِ » Et le fidèle qui est derrière l'imam, s'il a un doute, Concernant sa prière, il suivra alors son imam. Il est en prière et il ne se souvient plus s'il est à la deuxième ou à la troisième unité. Qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il prie derrière l'imam? Il suit l'imam. Il suit l'imam et il ne tient pas compte de son doute. Car l'imam, lui, il n'a pas eu de doute. Donc tu le suis. Et tu n'as rien à ajouter à cela. Ensuite, il dit « Walau adaraka l'imam raki'an wa shakka hal rafa'a l'imam ra'sahu qabla idrakihi raki'an lam yahtadda bitilka raka'a » Et s'il rejoint l'imam en inclination. Ici, il parle du cas du retardataire. Et nombreuses sont les questions à ce sujet. Donc écoutez bien. Et s'il rejoint l'imam en inclination et qu'il a un doute quant au fait que l'imam ait relevé sa tête avant qu'il ne l'ait rejoint incliné. Il ne sait pas vraiment s'il s'est incliné ou non avec l'imam. Qu'est-ce qu'il fait? L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Il ne tient pas compte de cette unité. » Il ne tient pas compte de cette unité. Et il nous dit « وَإِذَا بَنَا عَلَى الْيَقِينَ أَتَى بِمَا بَقِي » Il se base sur la certitude. Et la certitude, c'est qu'il n'a aucun élément lui démontrant qu'il a atteint cette unité. Donc il agit de la même manière que celui qui a un doute concernant le nombre d'unités. Il ne sait pas s'il a atteint cette unité ou non, il fait comme s'il ne l'avait pas atteint. Et ensuite, il dit « وَيَأْتِ بِهِ الْمَأْمُومِ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِي » Et ensuite, le fidèle rattrapera, après les salutations finales de l'imam, l'unité qu'il a manquée, et il fera les prosternations de l'oubli. Mais à quel moment il fera les prosternations de l'oubli? Alors là, il y a différentes situations. Et je vous demande, barakallahu fikum, de bien vous concentrer et de noter les différentes situations. La personne rentre avec l'imam alors que l'imam est incliné. Mais il n'est pas sûr d'avoir rejoint l'imam en inclination ou non. Premier cas, il penche plus vers le fait qu'il a réussi à rejoindre l'imam en inclination. Dans ce cas-là, il prend en considération cette unité. Deuxième cas, il penche plus vers le fait qu'il a manqué cette unité, qu'il n'a pas rejoint l'imam en inclination. Dans ce cas-là, il ne prend pas en considération cette unité. Et qu'est-ce qui lui incombera alors? Il lui incombera dans cette situation, s'il a manqué une partie de la prière, de faire les prosternations de l'oubli après les salutations finales. C'est-à-dire que s'il n'a pas pris en considération cette unité, il va donc la rattraper. Après les salutations finales, il fera les prosternations de l'oubli. Mais s'il n'a rien manqué de la prière, il est arrivé à la première unité. Il a eu ce doute, mais tout lui laissait penser qu'il a réussi à atteindre l'inclination avec l'imam. Donc il n'a rien manqué de sa prière. Dans ce cas-là, il n'a pas de prosternation de l'oubli à faire. Car ce doute est supporté par l'imam. Il a prié la prière complète avec lui, il n'a pas de prosternation de l'oubli à faire. Mais s'il n'a pas pris en considération cette unité, ou qu'il a manqué certaines unités de cette prière, et qu'après les salutations finales de l'imam, il va se relever pour rattraper des unités. Dans cette situation, raison de ce doute dans lequel il a tranché, en prenant l'avis vers lequel il penchait, alors il fera les prosternations de l'oubli après les salutations finales. Et il y a une autre situation qui est celle que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnée ici, qui est le cas où il a un doute mais il ne sait pas du tout. Rien ne lui permet de trancher et de savoir s'il n'a atteint ou non l'unité avec l'imam. Dans ce cas-là, il ne prend pas en considération cette unité. Il fait comme s'il ne l'avait pas atteint et il la rattrapera. Et à la fin de sa prière, il fera dans cette situation les prosternations de l'oubli avant les salutations finales. Pourquoi? Car ici, il est comme celui qui doute et qui se base sur la certitude, sur le nombre minimum d'unités. Donc j'espère que vous avez bien fait la distinction entre ces deux cas, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit toujours concernant le fidèle, « وَلَيْسَ عَلَى الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ إِلَّا أَنْ يَسْهُوَ إِمَامُهُ فَيَسْجُدُ مَعَهُ وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ التَّشَهُدْ ثُمَّ يُتِمُّهُ بَعْدَ سُجُودِهِ » Et le fidèle, il ne lui incombe aucune prosternation pour l'oubli. Celui qui prie derrière l'imam, une prière complète, du début jusqu'à la fin. Il n'a pas de prosternation d'oubli à faire, même s'il a des doutes dans sa prière. Sauf Si l'imam a un oubli dans sa prière, alors il va se prosterner avec lui. Si l'imam a fait une erreur ou a eu un oubli dans sa prière, tu vas le suivre, car l'imam a été désigné pour être suivi. Donc tu le suivras, même si toi tu n'as pas eu de doute dans ta prière, même si tu ne comprends pas pourquoi il fait les prosternations de l'oubli. Tu le suis, car lui, il a peut-être une raison légiférée de le faire dont tu n'as pas connaissance, donc tu le suis, il a été désigné pour être suivi. Et il dit, tu le suis même si tu n'as pas fini le tashahhud. Tu es en train de faire le tashahhud, et l'imam se prosterne, il fait les prosternations de l'oubli. Tu le suis dans ses prosternations. Puis si tu n'avais pas fini de prononcer ce qui était obligatoire, lorsqu'il se relèvera et fera les salutations finales, toi tu reprendras là où tu t'étais arrêté. Tu es en prière derrière l'imam, tu es en train de prononcer le tashahhud. Tu n'as pas encore prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam se prosterne pour les prosternations de l'oubli. Tu le suis. Tu fais ses prosternations avec lui. Ensuite, une fois qu'il se relève et fait les salutations finales, toi, quand tu es assis, tu prononces la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite tu fais les salutations finales. Tu complètes ce qui est obligatoire et que tu n'as pas pu faire avant les prosternations de l'oubli, et il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allahu ta'ala. Ensuite, il va nous mentionner trois situations dans lesquelles le fidèle fait les prosternations de l'oubli, et plus particulièrement lorsqu'il est en retard et qu'il a manqué une partie de la prière avec l'imam. Il dit « وَيَسْجُدُ مَسْبُوقْ لِسَلَامِهِ مَعَ إِمَامِهِ سَهْوَانْ » Et le retardataire fera les prosternations de l'oubli s'il fait les salutations avec l'imam par oubli. Il est entré dans la prière en commun, à la deuxième ou à la troisième unité. Donc il a des unités à rattraper. Lorsque l'imam fait les salutations finales, il se trompe et il fait les salutations finales avec lui. Qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra reprendre sa prière, il continue et il rattrape ce qu'il a manqué. Et après les salutations finales, il fera les deux prosternations de l'oubli et fera les salutations à nouveau. Car il a ajouté un salam à sa prière. Ensuite il dit « وَلِسَهْوِهِ مَعَهُ » Il fera aussi les prosternations de l'oubli s'il a fait l'oubli avec l'imam. Dans ce cas-là, tu te prosternes avec lui, même si tu as des unités à rattraper. À partir du moment où il fait les prosternations de l'oubli, avant les salutations finales, tu les fais avec lui. Et ensuite, tu te relèves et tu complètes ta prière. Et si il fait les salutations finales, et pendant que tu te relèves pour rattraper ta prière, tu observes qu'il fait deux prosternations de l'oubli après les salutations finales, que devras-tu faire? La réponse est que si tu étais présent au moment de l'erreur de l'imam, alors toi aussi, après tes salutations finales, tu feras les prosternations de l'oubli. Mais si tu n'étais pas présent au moment de l'erreur, alors ces prosternations ne t'incombent pas. Ensuite, il dit, la troisième situation où le fidèle fera les prosternations de l'oubli, il dit, « Wafima infarada bihi » et s'il fait une erreur au moment des unités qu'il fait seul. C'est-à-dire que les erreurs que tu fais au moment où tu es avec l'imam, elles ne sont pas prises en considération, à l'exception du doute sur le fait d'avoir atteint ou non l'inclination. Mais une fois que tu es seul, lorsque tu rattrapes tes unités, si tu fais une erreur ou que tu as un oubli à ce moment-là, celui-ci est pris en considération et tu devras le corriger selon les règles mentionnées précédemment. Ensuite, il dit, rahimahullah, nous mentionnons ce qui est juste concernant le moment où faire les prosternations de l'oubli. Et il dit, « وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ illa idha sallama an naqsi rak'atin fa akthar li hadith imran wa dhil yadayn wa illa fima idha bana ala ghalibi dhannihi in qulna bihi fayasjud nadban ba'da as-salam li hadith ali wa ibn mas'ud radiyallahu anhuma. Il dit, les prosternations de l'oubli ont lieu avant les salutations finales, sauf s'il fait les salutations en ayant oublié une unité ou plus, comme dans le hadith de Imran et de Dhil Yadayn. C'est-à-dire que s'il fait les salutations finales après deux unités au lieu de trois, ou trois unités au lieu de quatre, dans ce cas-là, les prosternations de l'oubli auront lieu, comme on a vu, après les salutations finales, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, elles auront lieu après les salutations finales, lorsque tu as un doute et que tu as tranché en prenant l'avis vers lequel tu penchais. Dans cette situation, les prosternations auront lieu après les salutations finales. Maintenant, avec tout ce que l'on a mentionné, il se peut que la personne soit confuse. Ou, lorsqu'elle est en prière, elle oublie. Elle n'a plus en tête ce que l'on a mentionné. Elle a fait une erreur, elle sait qu'elle doit faire les prosternations de l'oubli, mais elle ne sait pas. Est-ce que je dois les faire avant ou est-ce que je dois les faire après? Comment agir? Alors la réponse est que peu importe le moment où tu feras les prosternations de l'oubli, que ce soit avant les salutations ou après les salutations, ceci n'aura aucune incidence sur la validité de ta prière. An-Nawawi rahimahullah ta'ala a mentionné la divergence des savants à ce sujet, concernant le moment où les prosternations de l'oubli doivent être faites, et il a dit. Al-Qadi Iyad a dit, rahimahullah, ainsi qu'un groupe de nos confrères, il n'y a pas de divergence entre tous ceux qui ont divergé à ce sujet parmi les savants, que s'il fait les prosternations de l'oubli avant les salutations finales, ou après celles-ci, en raison d'un ajout ou d'une diminution dans sa prière, alors ceci est valide et ne corrompt pas et n'invalide pas sa prière, mais ils ont seulement divergé concernant le fait de savoir qu'est-ce qui est plus méritoire. Wallahu ta'ala a'lam. Fin de citation de la parole d'An-Nawawi rahimahullah. Donc la divergence entre les savants concernant le moment de faire les prosternations de l'oubli concerne le fait de savoir qu'est-ce qui est meilleur. Mais que tu les fasses avant ou après, ta prière est valide. Maintenant, on a vu qu'est-ce qui est meilleur. Le mieux déjà est de faire comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différents hadiths que l'on a vus. Cela est ce qu'il y a de meilleur. On agit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en résumé, on dira, s'il y a eu une diminution dans ta prière, comme l'oubli du premier tashahhud, ou un doute et que tu t'es basé sur la certitude en te basant sur le nombre inférieur. Dans ce cas-là, les prosternations de l'oubli auront lieu avant les salutations finales. Et si tu as fait un ajout dans ta prière, que ce soit un ajout de salutation, ou un ajout d'unité, ou autre chose semblable, ou que tu as eu un doute et que tu t'es basé sur ce que tu pensais être le plus juste, dans ce cas-là, les prosternations auront lieu après les salutations finales. Ceci est le résumé concernant ce que l'on a mentionné. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَإِنْ نَسِيَهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ أَتَى بِهِ مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلِ » Et s'il l'a oublié avant les salutations finales, il devait faire les prosternations de l'oubli avant les salutations finales, car il avait oublié le premier tashahhud. Mais il oublie aussi les prosternations de l'oubli. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il les fera après les salutations finales. Il n'y a pas de gêne. Et s'il les oublie aussi après les salutations finales, qu'est-ce qu'il devra faire? Il pourra les faire lorsqu'il s'en rappelle, tant que le temps entre le moment où il a terminé sa prière et le moment où il s'en rappelle n'est pas trop long. Il fait les prosternations de l'oubli. Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a même dit à ce sujet que le plus prudent est de les faire quoi qu'il en soit, même s'il s'en rappelle après un long moment. Ceci est ce qu'il y a de plus prudent. Mais l'oubli n'a aucune incidence sur la validité de sa prière. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, termine en nous décrivant ses prosternations et il dit « وَسُجُودُ السَّهْوِ وَمَا يَقُولُ فِيهِ وَبَعْدَ رَفْعِهِ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ » Et les prosternations de l'oubli, et ce qu'il dit durant celle-ci, et après s'en être relevé, c'est-à-dire durant l'assise entre les deux prosternations, et comme ses prosternations durant la prière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule de rappel ou de choses particulières légiférées durant les prosternations de l'oubli. Mais tu fais ces deux prosternations comme deux autres prosternations de ta prière. Tu dis Allahu Akbar, tu te prosternes, tu dis Subhana Rabbi al-A'la. Ensuite tu te relèves en disant Allahu Akbar, tu dis Rabbi Khirli. Ensuite tu dis Allahu Akbar et te prosternes pour la seconde prosternation, en faisant comme pour la première, Subhana Rabbi al-A'la. Puis tu te relèves en disant Allahu Akbar. Et une fois que tu es assis, tu prononces directement les salutations sans refaire le tashahhud. On a donc terminé, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chapitre sur la description de la prière et nous verrons dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala, le chapitre sur les prières surérogatoires. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم